inventer l'ivresse pour te saouler de mon parfum. Envie d'être ta déesse, occupée des pensées sans fin. En une seconde, j'ai su que c'était toi. Pour l'éternité, j'aurai l'envie de toi. Mais on tourne les gens par et ça me donne mal à la tête. Allez viens, après tout on les embête. Envie de prendre ton cœur pour te faire perdre la raison. Envie de créer ton bonheur et d'y croire pour de bon. Envie d'avoir rendez-vous à cet instant bien précis. Envie de penser à nous juste pour une vie. J'ai su que c'était toi. Pour l'éternité, j'aurai l'envie de toi. Mais le monde tourne, les gens parlent et ça me donne mal à la tête. Allez viens, après tout on les embête. Après tout, on les embête.